Ainsi ce fut moi qui assistai ma chère petite sœur, qui l'a gardée la nuit dans une petite cellule proche de l'infirmerie. Oh que de souvenirs, mais vous les connaissez, ma mère. Vous n'ignorez pas dans quelles circonstances douloureuses notre pauvre petite martyre passa ses derniers mois d'exil et comment elle ne fut jamais soulagée par les calmants qui depuis ont franchi les portes du monastère, mais qui à ce moment-là étaient prolibés comme une honte. Elle en était donc réduite non pas aux soins intelligents de la médecine, mais aux soins affectueux de sa petite sœur, ceci quoique bien doux ne suffisait pas cependant. Pour moi, j'ai vu depuis mon entrée au Carmel beaucoup de sœurs mourir, jamais je n'ai vu tant souffrir, c'était affreux, je crois qu'aucune souffrance ne lui fut épargnée, il le fallait sans doute ainsi pour remplir jusqu'à la fin son rôle de première victime d'Holocauste, reine et mère des innombrables petites âmes, à l'exemple de Jésus qui nous a gagné la vie éternelle. Je ne vous parlerai pas, ma mère, des détails de sa maladie ni de ceux de sa mort, je mentionnerai seulement deux particularités qui me regardent personnellement lesquelles ont une grande importance dans ma vie. L'un de ses derniers jours d'exil, je fus témoin d'un spectacle étrange, c'est la seule fois que je l'ai vue aux prises avec l'esprit de ténèbres, un matin au réveil, je la trouvai toute angoissée, elle paraissait être en proie à une lutte forcée et pénible, elle me dit, il s'est passé cette nuit quelque chose de mystérieux, le bon Dieu me demandait de souffrir pour vous, je l'ai accepté et aussitôt mes souffrances ont été doublées. Vous savez que je souffrais surtout dans tous les côtés droits, le gauche s'est pris immédiatement et avec une intensité presque intolérable. Alors, j'ai senti l'action sensible du démon qui ne veut pas que je souffre pour vous, il me tient comme avec une main de fer. Il m'empêche de prendre le plus petit soulagement afin que je désespère. Je souffre pour vous et le démon ne veut pas. En prononçant ces paroles, la petite malade était pâle et tremblante, défigurée par la souffrance et l'angoisse. Je ne la reconnaissais plus. Une atmosphère surnaturelle nous environnait, vivement impressionnée. J'allumai un cierge béni et peu après le démon s'enfuyait pour ne plus revenir. Mais jusqu'à sa dernière heure elle continua de souffrir pour moi dans tout son côté gauche qu'elle nommait le côté de Céline. À ma mère, au moment je ne compris pas le mystère, mais aujourd'hui j'en ai le secret. Le démon méditait sur moi de nouveaux assauts, il avait résolu de me perdre et sans doute je me serais perdu si le bon Dieu ne m'avait garanti par les prières et les souffrances d'une sainte. Il ne me fallait rien moins que ce secours pour m'arracher aux griffes de Satan. Le second fait est le complément de celui-là, Jésus voulut, après m'avoir fait entrevoir Gethsémani, m'encourager en me dévoilant en quelque sorte le plan divin et les fruits de mes douleurs. Pendant sa maladie notre chère petite Thérèse nous disait, « Mes petites sœurs, il ne faudra pas vous faire de peine si, en mourant mon dernier regard est pour l'une de vous et pas pour l'autre, je ne sais pas ce que je ferai, c'est ce que le bon Dieu voudra. » S'il me laisse libre ce dernier souvenir sera pour notre mère, Mère Marie de Gonzague, parce qu'elle est ma prieure. Elle nous répétait encore ces paroles quelques jours seulement avant son bienheureux trépas. Or le jour de sa mort, pendant son agonie, quelques instants seulement avant d'expirer, je lui rendais un léger service quand, me remerciant par un délicieux sourire, elle fixa sur moi un long regard, on y lisait comme une prophétie. Regard pénétrant mêlé tout à la fois de tendre affection et de fierté. Elle semblait me dire, « Va ne crains rien. Entreprends avec courage la mission que Dieu te confie. Je serai avec toi. » C'était grandiose. La communauté qui était présente eut un frémissement. Puis, Thérèse cherchant notre mère baissa sur elle les yeux. Mais son regard n'était plus inspiré, il avait repris son expression habituelle. À ma mère, comment vous redire les impressions qui passèrent dans mon âme à ce moment solennel? Cependant je ne croyais alors qu'à une délicatesse du bon Dieu qui m'avait accordé ce privilège parce que, comme le disait Thérèse, c'était moi qui devais le plus souffrir de sa mort en la perdant. Je perdais, en effet, ma petite compagne. ma confidente intime, mon soutien de chaque jour, Marie et Pauline vivraient encore ensemble sur la terre, mais de Céline et Thérèse l'une resterait dans l'exil, l'autre habiterait au ciel. Bien des fois depuis, le souvenir de ce regard, sic, me revint à la mémoire et me fit tressaillir, il fut un encouragement dans mes épreuves, l'arc-en. Ciel m'annonçant que les promesses divines seraient tenues à mon égard et que la victoire finale serait à Jésus. Aujourd'hui je crois en comprendre mieux le sens caché. Cette mission, cet avenir, c'était la sainte face. Note transversale dans la marge gauche de page 294, c'était aussi les travaux que je devais entreprendre pour faire connaître la petite voix, faire connaître ma Thérèse chérie, afin d'allumer le véritable amour de Jésus dans tous les cœurs. À l'époque où j'écrivais ce manuscrit, rien encore n'était commencé de la cause, c'est pourquoi je ne pouvais faire mention de cet avenir que j'ignorais, note de 1920. Et maintenant que je vais entrer dans ma 80e année, je me demande si ce regard ne me prophétisait pas encore que je resterai seule, la dernière ici-bas, note de mars 1948. Mais avant de produire cette œuvre, il me faudrait beaucoup souffrir, la tempête battrait longtemps mon frêle esquif, puis une heure serait donnée aux esprits de ténèbres pendant laquelle ils essaieraient le naufrage de ma petite barque. Cependant Jésus, par un constant miracle, la soutiendrait sur les flots et me sauverait. Alors, permission me serait accordée de dérober au divin soleil, qui brille dans le ciel des cieux. Un rayon lumineux de sa gloire, la face de Jésus. Ma mère, peut-être penserez-vous que j'exagère l'élu du démon contre moi, qu'il vous sera impossible de juger, puisque je ne pourrai vous donner les détails de cet ouragan. Et pourtant ces images prises dans le monde matériel ne sont qu'une pâle esquisse de mon épreuve. Mais je reviens à ma chère petite Thérèse, à ma mère. Permettez-moi de ne pas évoquer ici les détails de son départ pour le ciel. Vous devinez bien ce qui s'est passé dans mon cœur à ce moment suprême. Vous supposez aussi quels furent les rapports intimes de Thérèse et de Céline pendant les derniers mois de leur union sensible, le dévouement de la pauvre petite Céline, sa douleur. Je me demande comment le bon Dieu a pu me priver si tôt de mon soutien. Je me faisais l'effet d'un enfant au berceau qui perd sa mère. C'est que, dans ma vie, je remarque tout le contraire de ce qui s'est passé dans la vie de Thérèse. Elle recouvre à 14 ans sa force d'âme d'enfant, qui ne la quitte plus, dans la dernière période de son existence. Moi j'en jouis pendant ma jeunesse. Puis je la perds en entrant au Carmel pour ne plus la retrouver. Jésus n'opère alors en moi qu'en démolissant. Il me prit donc ma Thérèse, tandis qu'après sa mort mes sœurs aînées avaient le courage de lui rendre les derniers devoirs. Je sortis sous le cloître pour pleurer, et tout en pleurant je regardais le ciel couvert de nuages et je disais, si seulement il y avait des étoiles il me semblait que, voyant le firmament découvert je pénétrerais les mystères de l'ascension de ma sœur chérie. J'avais baissé les yeux pour pleurer encore quand, les levant, je vis qu'il n'y avait plus de nuages et que les étoiles commençaient à briller. Cette délicatesse de ma sœur chérie répondait si pleinement à mon désir et d'une façon si prompte que plusieurs personnes de la ville qui s'en retournaient s'abritant sous leur parapluie furent vivement surprises de ce brusque changement du temps. Cette délicatesse tout à fait inattendue me parut un sourire de ma petite sœur, mais le lendemain matin, quand je la trouvais inanimée et que je lui parlais sans qu'elle me répondît, mes larmes recommencèrent. Je lui demandai ce qu'elle avait fait au ciel pendant ses premières heures, ce qu'elle y avait vu et m'apercevant que je l'avais perdue pour toujours je ne pouvais me consoler. Il y a 12 ans de cela et ses sentiments sont aussi vifs. Parfois le soir quand je contemple l'azur étoilé, mes pensées deviennent si profondes en songeant à elle. Je désire tant aller la retrouver, que je ne puis encore retenir mes larmes. Vous voyez, ma mère, si je suis forte devant la souffrance. Et c'était pour moi, privée de tout secours, que le Seigneur allait permettre les 6 grandes épreuves dont je vais parler. mais avant de m'en laisser sentir l'aiguillon, il m'y prépara par de bien grandes grâces. Après la mort de ma Thérèse chérie, le bon Dieu plaça mon âme dans une région de calme et de sérénité que rien ne pouvait troubler. Je n'habitais plus sur la terre, mais dans les cieux. Cet état qui dura plusieurs mois avait pour point de départ une grâce qui me fut accordée 15 jours seulement après le départ de Thérèse. C'était le soir du 9 octobre en la fête de la maternité de la Sainte Vierge, qui m'est particulièrement chère. Je commençais, sous le cloître, l'exercice du chemin de la croix. C'était pleine lune, il y avait çà et là quelques petits nuages et de l'horizon montait une nuée blanche qui se terminait en vapeur d'eau. La lune était cependant très brillante et sa clarté lumineuse. Ces deux choses, la clarté de l'astre dans son plein et la vapeur d'eau, empêchaient matériellement les étoiles de se faire voir, il n'y en avait donc aucune. En note, j'ai remarqué depuis qu'à la pleine lune d'octobre on n'apercevait jamais aucune étoile aux environs de l'astre. Ayant commencé ma prière, j'arrivais à la quatrième station, lorsque tout à coup des profondeurs du ciel, au côté droit de la lune, sortit comme un petit soleil qui, en décrivant une courbe légère, s'enfonça dans l'immensité, en passant rapidement devant elle. C'était un sillon lumineux, comme la frange d'une robe dont joue la trace de ses pas. Cela me fit l'impression de quelqu'un qui se laissait voir, en dépassant un instant la limite de ses domaines. Je m'écriai, « C'est ma Thérèse !» Et aussitôt une joie céleste m'envahit tout entière, si vif que je suis incapable de l'exprimer. Ce que je sais, c'est que je n'aurais pu supporter une plus grande joie sans mourir, c'était juste la mesure de ma faible nature. La vision s'était évanouie mais mes yeux restaient attachés au ciel. Je compris alors une foule de choses qu'il m'est impossible d'exprimer. La grâce intérieure surpasse de beaucoup tout ce que je pourrais en dire. Dans l'espace d'un éclair, j'eus la réponse à ce qui avait tant de fois assombri mon espérance et attristé mon cœur. Alors s'évanouirent toutes mes vaines préoccupations, la petite voix de confiance, d'abandon, d'humilité et d'esprit d'enfance de Thérèse me fut expliquée et devint lumineuse à mes yeux et depuis ce jour, je fus dans les dispositions intérieures qu'elle cherchait à me donner quand elle était encore sur la terre. Cette grâce fut très marquante pour mon âme et le point de départ d'une vie spirituelle toute nouvelle. Elle me fut, en petit, ce que la Pentecôte fut aux apôtres après l'ascension de leur maître. J'y reçus l'esprit de Thérèse par une grâce de force dans la faiblesse, mais non pas une grâce de victoire contre mes défauts, car le bon Dieu, depuis mon entrée au Carmel, ne changea jamais sa manière de faire à mon égard qui fut toujours, comme je l'ai dit, une voie d'humiliation et de destruction. N'importe, la grâce principale pour moi était de savoir me glorifier de mes faiblesses et ce fut celle-là que je reçus en ce jour. À partir de ce moment béni, une paix céleste remplissait mon cœur et puisque je suis sur le chapitre des grâces et délicatesses du bon Dieu envers sa petite Céline, je vous dirai, ma mère, la joie que j'éprouvais lorsque la cellule de Thérèse me fut donnée. Je n'aurais jamais osé solliciter ce privilège quoique je le désirais beaucoup. Je me contentais de faire à ma sœur chérie une prière dans mon cœur, par laquelle je la suppliais de me donner son double esprit, cette faveur-là j'osais la demander sans me lasser. Et voilà que, contre toutes mes prévisions, on me désigna pour prendre sa cellule ainsi que tous les petits meubles qui la composaient. J'y entrai le 14 juin, jour de la fête de Saint-Élisée à laquelle cette cellule est dédiée. Je crus voir dans le fait même et sa coïncidence une réponse à ma prière. De même que le prophète Élie légua à son disciple son manteau comme preuve qu'il avait exaucé sa demande, ainsi Thérèse, en réponse à ma prière, me donnait la cellule témoin de toutes ses vertus. Quelques jours après, me demandant quel était le premier ouvrage que j'y avais fait, regrettant de ne pas l'avoir préparé, je me souvins que le soir, pendant le silence, rendant un service à une sœur, j'avais découpé une petite langue de feu et écrit dessus, « Plénitude des dons ». Toutes ces menues choses m'encourageaient et m'aidaient à supporter la vie. Je fus aussi désigné pour prendre sa Stalocker, sa sonnerie au timbre. Il est vrai qu'un jour je devais les quitter, mais ce fut moi qui lui succédai la première, de même que c'était moi qui la première l'avait suivie dans le chemin de l'amour en m'offrant avec elle victime d'holocauste à cet amour miséricordieux. Ah, sans doute j'étais bien indigne de tous ces privilèges, mais j'ai toujours pensé que le bon Dieu en m'en gratifiant disait bien haut qu'il ne dédaignait pas ma misère et que, s'il agréait des victimes pures et sans tache comme Thérèse, il agréait aussi des victimes imparfaites et pécheresses, au crayon, comme moi. Mais là où sa miséricorde infiniment donna une parfaite assurance, ce fut dans la grâce du 5 mars 1898, car en ce jour il fit déborder en mon cœur les torrents de son amour, il brisa les digues, renversa tous les obstacles, et, satisfait enfin de sa victoire, il submergea tout mon être par l'impétuosité de ses flots. Après la mort de ma Thérèse chérie, une aspiration me devint habituelle, surtout au moment de la communion. Je disais alors à Jésus, « Ô mon bien-aimé, comment se fait-il que je mange du feu et que je ne brûle pas? Comment est-ce que, me mettant sur le passage d'un torrent, je ne suis pas submergé? Si je m'approchais d'un feu matériel, je brûlerais. Si je me plaçais devant un torrent rapide, je serais renversé. Eh bien, je viens à vous, ô brûlez-moi, engloutissez-moi. » Cette prière qui ne venait pas de moi, mais du ciel, lequel voulait me faire désirer la grâce qu'il s'apprêtait à m'accorder, fut pleinement exaucée. C'était pendant ma grande retraite, le matin du dernier jour, 5 mars 1898. Je faisais seul mon oraison au cœur, oraison bien stérile, hélas, et j'adressais de doux reproches à ma Thérèse de ne pas m'avoir donné de meilleures inspirations pendant la première retraite que je faisais sans elle. J'étais dans une très grande aridité lisant machinalement le livre des prophètes que j'avais commencé. Je m'étais donné une tâche et je voulais voir plusieurs chapitres très rapidement. Dans ces dispositions, j'arrivais à ce passage du prophète Zacharie, « Qu'est-ce que le Seigneur a de bon et de beau, sinon le froment des élus et le vin qui fait germer les vierges ?» À peine avais-je lu qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire. En un instant, l'amour du bon Dieu pour nous m'apparut comme sans voile et se révéla à moi avec une telle intensité que je ne saurais exprimer ce transport. Je sentis comme une violente commotion. À 3 reprises différentes mon cœur fut ébranlé, c'était comme si quelqu'un, voulant en faire l'assaut, s'y précipitait avec violence et pratiquait une issue. Il me sembla alors que les torrents de l'amour divin débordaient dans mon cœur et je compris une foule de choses sur les mystères de l'amour, qui me furent pour ainsi dire découvertes. J'étais submergé, englouti et trop faible pour supporter cet excès d'amour, je pleurais. Mes larmes coulèrent pendant une heure, sans que je puisse dire un mot et, quand je voulus me lever, j'étais toute chancelante, j'éprouvais comme une sorte d'ivresse. Ah, je pouvais bien dire avec saint Jean de la Croix, dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu et, quand je suis sortie, dans toute cette plaine je ne connaissais plus rien et je perdis le troupeau que je suivais auparavant. Je voulais tout raconter à notre mère. Mais j'étais trop émue et je dus attendre jusqu'au soir. Pendant les offices, il me fallut tourner mes images à l'envers et éloigner ma pensée de Dieu, autrement je n'aurais pu assister. Les eaux de l'amour divin ne s'étaient pas encore assez écoulées et il me fut impossible ce jour là de me nourrir des aliments de la terre. Cette grâce unique surpasse toutes celles que je reçus dans ma vie. Chaque année, j'en célèbre le 12e anniversaire. Elle me semble plus grande, cette grâce, même dans l'ordre naturel, que, si de mes yeux, j'avais vu la Sainte Vierge et qu'elle m'aurait déposé l'enfant Jésus dans les bras. J'ai reçu l'amour et je l'ai gardé. La prière contenue dans l'acte de ma Thérèse s'est réalisée en ma faveur, afin de vivre dans un acte de parfait amour. Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Mais, pourquoi le Seigneur m'avait-il, en faisant la conquête de tout mon être, submergé par l'eau, plutôt que consumé par le feu, il eût été plus compréhensible qu'il entretint, par le feu, l'incandescence de son tison plutôt que par l'eau. À son tison il était tout à la fois submergé et incandescent d'amour divin, mais le démon s'apprêtait à y mettre son feu maudit. Un an plus tard, presque jour pour jour, sonnerait son heure et Jésus voulait, par cet emblème, me donner pour ainsi dire l'assurance que les efforts de l'ennemi seraient vains. Comment, en effet, enflammer un tison que l'eau environne et imbibe de toutes parts? Jésus était donc venu me visiter dans un moment d'aridité, pourquoi avait-il choisi de préférence cette occasion? Je pense que c'était pour me prouver une fois de plus que la faveur sensible, si elle nous donne du contentement à nous, n'a pas plus de prix à ses yeux qu'une sécheresse apparente ne provenant pas d'infidélité. Au contraire, le bois secondaire le plus propre à la combustion et le vase vide le plus apte à être rempli. J'étais ce vase vide et c'est pourquoi Jésus est venu à moi. J'ai d'ailleurs remarqué dans différentes circonstances de ma vie que le bon Dieu avait toujours profité des moments de détresse pour me faire des grâces. Étant encore dans le monde, un soir que je faisais mal ma prière, je levai machinalement les yeux et ils se rencontrèrent avec ceux de la Vierge bénie devant laquelle j'étais agenouillée. À ce moment je tressaillis, car il me sembla qu'elle me regardait tendrement et me souriait. Je reçus cette impression comme une grande faveur et j'en marquai soigneusement la date. Ma tiédeur s'était tout à coup changée en une bien grande faveur qui me fut un stimulant à la piété. Quand cette douce grâce se fut évanouie, je cherchai en vain à la ressaisir par des effets de lumière projetés sur la statue, mais jamais je ne pus y parvenir. Vers le même temps, c'était pendant mon sommeil, ayant eu beaucoup de peine les jours précédents, je rêvais que j'étais encore sous son étreinte, quand tout à coup la Sainte Vierge vint à moi, une goutte de sang perlait à l'un de ses doigts. N'hésitant pas alors, malgré mon extrême répugnance pour le sang, je portai la gouttelette à mes lèvres, mais aussitôt qu'elle fut dans ma bouche, elle se changeait en lait. C'était un dimanche fête de la maternité de Marie. Thérèse me dit que c'était là une vivante image de ce qui nous arrivait quand nous acceptions de bon cœur la souffrance. Elle nous paraissait du sang, mais en réalité elle n'est que du lait. Tout dernièrement encore, c'était pendant ma grande retraite, un soir que mon âme subissait une véritable agonie, rentrant après matine dans notre cellule, je trouvai l'oratoire de la Vierge de Thérèse tout plein d'encens. Cette émanation embaumée remplit l'atmosphère pendant plus d'un quart d'heure, c'était le parfum de ma petite Thérèse. Cette circonstance n'est pas la seule où elle me visita de la sorte, mais j'ai remarqué que toujours c'était lorsque j'étais triste, ou découragé, ou tiède dans mes prières. À propos de prières, il m'arriva dans l'année qui suivit sa mort, que je fus réveillé un soir à matine par un baiser qu'elle me donna sur le front. Une autre fois, c'était le jour anniversaire de sa profession, et la communauté devait venir le fêter à l'oratoire de la Sainte Vierge. J'étais dans notre cellule, la sienne, et n'avais pu assister accompli à cause d'une migraine, lorsque soudain j'entendis sa voix à côté. Elle m'appelait. Je ne fis qu'un bon croyant l'y trouver, mais je ne vis personne. Cependant je fus rempli d'une ineffable consolation et me mis en devoir d'allumer toutes les bougies que j'avais préparées pour la fête. Je venais d'achever ce travail lorsque la communauté entra. C'était Thérèse qui m'avait prévenu de son arrivée comme si elle m'eût dit « Dépêche-toi donc, il est grand temps de disposer ton illumination ». Cette fois j'avais entendu de mes oreilles une voix, mais en d'autres circonstances, bien que je ne perçus pas de son, j'entendis cependant sa voix qui m'exhortait soit à redemander humblement un objet que j'allais réclamer avec humeur, soit en me faisant souvenir de fermer doucement une porte lorsque j'allais la laisser frapper. Enfin son secours m'accompagne quand je suis en faute ou malheureuse, jamais aux heures de prospérité. Un soir, après avoir souffert d'un violent mal de dents sans me plaindre, Je me rendais au réfectoire bien en peine de savoir comment je pourrais collationner avec du pain non trempé comme c'est l'usage d'en donner les jours de jeûne. M'étant recommandé à sa protection, je fus bien surprise, lorsque j'arrivai au réfectoire, de trouver mon morceau de pain décrouté tout autour. Les sœurs furent interrogées, mais personne n'y avait touché. Vous le voyez, ma mère, Thérèse ne m'abandonne pas. Les 18 mois qui suivirent sa mort, c'est-à-dire jusqu'à ma grande épreuve, ma vie fut constellée de faveurs petites et grandes. Avec celle que je viens d'écrire, j'en ai signalé d'autres dans ma déposition et je puis dire qu'elle tient sa promesse. À partir du moment où elle me quitta, jamais nous n'avons été plus unis. C'était comme une continuelle présence, un colloque perpétuel, et je la possédais bien davantage que lorsqu'elle était sur la terre, où sa présence sensible ne me donnait qu'une union caduque, misérable, entravée par mille peines. Avant de terminer ce sujet, je tiens à reprendre un mot que j'ai écrit disant que je lui avais demandé son double esprit. Ô ma mère, je n'ai jamais pensé, ni désiré avoir plus que ma Thérèse en quoi que ce soit. Tout au contraire, c'est avec tout mon cœur que je dépose sur sa tête la couronne de reine. J'ai voulu dire que je demandais au bon Dieu de m'accepter par grâce à sa suite et d'accomplir en moi ce qu'elle-même a proposé, en défi, par ses paroles si par impossible. Ô Jésus, tu trouvais une âme plus faible que la mienne, je sens que tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore. Car c'est moi cette âme plus faible, la plus faible de toutes les faibles. Mais comme je ne puis envisager une plus grande somme de grâce que celles accordées à ma sœur chérie, comme aussi une plus grande somme de correspondance à ces grâces, je m'estime bien heureuse et tout à fait exaucée s'il m'y donnait de mettre mes pas dans ses pas. C'est cette grâce que j'ai demandé bien des fois en suppliant Jésus de permettre qu'il y ait toujours sur la terre une petite âme qui possède comme Thérèse la plénitude de l'amour. Parmi les faveurs et les instructions que Thérèse me donnait, je n'estime pas la moins grande ce zèle des âmes qu'elle a activé dans mon cœur et qui me dévorait du désir de les sauver toutes. Pour arriver à cette fin, dans la mesure du possible, nulle peine ne m'aurait semblé trop ardue, nulle épreuve trop difficile à supporter. À les âpres chemins ne me faisaient pas peur pour y chercher la brebis égarée, avec joie je m'y serais élancé. Qu'importe la lutte quand le but en vaut la peine, aussi les hasards des combats ne m'effraient pas, je consentais à descendre dans l'arène, quitte à ce qu'il m'en revînt quelque dommage pour moi. Et qu'importe, disais-je, que je rougisse de mon sang cette arène, je préfère revenir avec quelques blessures et porter en mes mains des gerbes d'âmes arrachées à l'ennemi plutôt que de rester bien tranquille et de ne rien moissonner. Comment donc le bon Dieu me ferait-il acheter ces trésors convoités avec tant d'ardeur? Il ne me prenait point par les souffrances physiques, j'avais une bonne santé, et si parfois mes douleurs rhumatiques mal m'empêchaient de dormir ou que le soir, comme cela m'arrive souvent, j'étais incommodé du jeûne. J'estimais ces petites misères trop peu de choses et je pensais bien que le bon Dieu permettrait pour moi d'autres épreuves plus cuisantes et plus dangereuses. Thérèse se semble pouvait me sevrer et c'est ce qu'elle fit, car un an après ma grande grâce, en février, mars 1899, le ciel parut m'abandonner, j'entrai dans une période de tentation que j'appellerai épouvantable. Moi qui, depuis 9 ans, jouissais de la paix la plus profonde quant à la vertu de pureté, me vis assaillie de peines morales qui devinrent d'une intensité dont je ne pourrais pas donner l'idée. Je devais les subir 2 ans et 3 mois sans qu'aucun ordre d'en haut vînt faire cesser mon martyre. Je dis peine morale, car la bon Dieu permit que l'aiguillon ne fût point dans mes sens, il me fit, pour ainsi dire, invulnérable de ce côté. Mais un savant religieux me l'a dit, ce genre de tentation est beaucoup plus subtil et plus dangereux que les autres, c'est une émanation directe de l'enfer puisque la chair n'y a aucune part. Ce n'étaient point les choses extérieures qui venaient m'exciter, je n'avais rien à fuir, rien non plus à éviter pour faire cesser cette étrange épreuve. Comme je l'ai dit, elle résidait dans l'esprit seul, c'est-à-dire dans la partie supérieure de moi-même. Mon imagination était absolument hantée, Mon intelligence obscurcie. Je pense qu'il n'y a pas intelligence de pire matérialiste ou de pire pécheresse plus erronée ou plus chalie que la mienne ne le fut alors par l'aiguillon des désirs. J'avais soif de bonheur, il y avait en moi comme un gouffre béant et il me fallait une lutte de tous les instants pour ne pas courir vers chaque objet apte à me donner seulement une goutte de félicité. Vous le voyez, ma mère, les facultés de mon âme étaient absolument prises. Seul mon cœur et mes sens étaient à l'abri. La raison en moi était si gâtée que je comptais pour rien les vœux d'obéissance et de pauvreté et je m'étonnais que le vœu de chasteté ne fût pas exalté davantage que tous les autres, tant je le trouvais difficile et impossible. Ô ma mère, mais je m'arrête, je crains même d'avoir été trop loin et cependant que cette peinture est loin de la réalité. Pour mettre le comble à ces douleurs, le ciel paraissait m'avoir complètement abandonné, rejeté comme un être infâme. Je crois que le démon voyant qu'il n'arrivait pas à me faire pécher en pensée du côté de la pureté, voulait me jeter dans le désespoir. Un soir les troubles de mon âme prirent des proportions si effrayantes que je crus entendre une voix qui me disait intérieurement « Ah, ta confiance est enfin vaincue, regarde toutes tes fautes, contemple tes infidélités sans nombre. » Tu auras beau faire, il faut que la justice de Dieu fasse son œuvre. Et je sentais en effet que je méritais sinon l'enfer du moins des châtiments jusqu'à la fin du monde, je voyais Dieu laissant agir sa justice qui me poursuivait. Alors, je jetai un cri vers le ciel, j'appelai Thérèse puis je me précipitai dans les bras de mon juge en fermant les yeux pour ne pas voir ce qu'il allait faire de moi. C'est en cette occasion, que la justice de Dieu vaincue par l'acte d'abandon que je venais de faire, fut suspendue momentanément et que l'histoire du petit lapin blanc me revint en mémoire pour me consoler. Mais cette consolation ne fut qu'une éclaircie de courte durée et cette épreuve que je comparais à une odeur répandue dans mes vêtements dont je n'aurais pu me débarrasser, cette odeur infernale alourdit de nouveau l'atmosphère tout autour de moi. Et c'était à son goût empoisonné que je mangeais seul mon pain quotidien. Vous vous demandez sans doute, ma mère, ce que je fis pendant cette terrible épreuve qu'un savant théologien m'a dit être la plus pénible pour une vierge consacrée. Ce que je fis, assez tout simple. Lorsque l'épreuve était à son comble, aveuglé que j'étais par la fausse lumière des voluptés de la chair, je disais tranquillement à Jésus, ô mon bien-aimé, oui, c'est vrai que cette lumière paraît séduisante, mais je suis heureuse d'ignorer sa clarté et plus nombreuses seront les fois où le démon les fera miroiter à mes yeux. Plus grand sera mon bonheur d'avoir par là de nouvelles occasions de renouveler mon sacrifice. Jamais mon vœu de chasteté ne m'a paru plus aimable qu'en cet instant et je baisai mes chaînes avec joie. Je vous donne de nouveau mon corps et si j'en avais 1000, si tous ceux qui sont sur la terre étaient à moi. Je vous les consacrerai tout ne voulant jouir dans aucun, la seule grâce que je vous demande c'est de ne jamais vous offenser. Ah je répétais bien souvent cette dernière aspiration, je rappelais à Jésus mes conventions lui disant de se conduire envers moi en époux jaloux, de fermer avec soin toutes les issues de notre maison et comme autrefois à l'arche libératrice de ne laisser d'ouverte qu'une petite fenêtre sur le ciel. Car je sentais ma faiblesse et je savais que si j'avais été réduite à mes propres forces je serais tombée immédiatement dans le péché. Il fallait donc que Jésus soit vigilant autour de moi et j'espérais qu'il n'y ferait pas défaut. Cette espérance gardait en paix ma petite nacelle et malgré l'orage ma paix était inaltérable. Comment expliquer cela? Je n'en sais rien. Trouble et paix, tentation de la chair dans l'esprit, paraît contradictoire il est en effet. N'est-ce pas aussi contradiction qu'un bon père jésuite à qui j'avais ouvert mon âme, dit à notre mère en parlant de moi, « Cet enfant est d'une candeur. Vous savez on ne voit pas cela. » Ma chère petite mère Agnès de Jésus qui espérait me consoler par cette appréciation me la répéta aussitôt, « Mais comment aurais-je pu être consolée, le pain d'amertume ne quittant pas mes lèvres ?» Néanmoins le bon Dieu permit qu'à certaines heures la pensée que moi, ta d'ordure, pouvais encore espérer être candide, cette pensée me donna du courage et m'aida à supporter la vie. Je reçus encore, par l'entremise de ma petite mère, une autre consolation. Elle ignorait en partie mes souffrances, car j'en parlais le moins possible et voilà qu'un jour, étant venue me trouver à l'occasion d'un travail de peinture, elle me dit, « Comme vous avez des yeux purs. » Je la regardai ébahie, me reconnaissant pour un vase d'iniquité et sa réflexion m'attrista presque tant je la trouvais fausse. Je lui fis alors remarquer que pas moi, mais telles et telles sœurs, que je désignais, avaient la pureté peinte sur leur visage. L'oraison sonnait. Elle me remit après ce petit billet, « Pureté des yeux de celle que vous m'avez nommée, plutôt candeur de l'enfance, pureté des vôtres comme Sainte Cécile qui combat, pureté plus intéressante. Je ne sais pas comment vous rendre ma pensée, c'est comme le rayon de miel que Samson trouva dans la gueule d'un lion, voilà votre belle pureté, petite Cécile. » Elle me fit ensuite remarquer que, pensant à moi, cette lumière lui était venue pendant son oraison et elle m'expliqua que le lion dont parle Samson était un lion mort, donc inoffensif. Autrefois me dit-elle, il était vivant, aussi c'est un spectacle admirable qu'un rayon de miel si doux dans la gueule d'une bête féroce. Notre Seigneur se joue des difficultés, celui est une chose plus agréable de trouver un rayon de miel dans la gueule d'un lion que dans le creux d'un arbre. Ah, c'était Jésus qui m'envoyait ce doux message et je pensais que si ces créatures étaient indulgentes à cet excès, il n'y avait pas de raison pour qu'il leur en cédât et le fût moins. Aussi je fus bien encouragé et cette consolation devint momentanément une éclaircie dans mon ciel sombre. Oui, c'était bien réel, depuis que je m'étais livré totalement à Jésus le lion était mort, il n'avait plus aucun droit sur moi, il avait, il est vrai, le pouvoir de me faire souffrir, non celui de me faire tomber, car ma volonté de rester fidèle à Jésus était unie à la volonté de Jésus de m'être fidèle, que faire devant de si puissants adversaires? Non, et j'en suis certaine, le démon et toute la rage de l'enfer coalisés ensemble, ne peuvent absolument rien sur l'âme humble dont Jésus est l'époux et le défenseur. Car, dit saint Augustin, si avant l'arrivée du Christ, le diable était sans entrave, le Christ en venant dans notre âme l'enchaîne. Mais s'il a été enchaîné, pourquoi a-t-il encore tant de puissance? Il est vrai qu'il en a beaucoup, mais sur les tièdes, les négligents, retenus comme un chien qui est à la chaîne, il ne peut mordre personne, excepté l'imprudent qui se lie avec lui par les désirs et les cupidités du siècle. Jugez alors de la folie de l'homme qui se fait mordre par ce chien enchaîné. Il peut aboyer, il peut provoquer, il ne peut mordre que si on le veut bien. Car il fait du mal non par violence, mais par la persuasion, il n'extorque pas notre consentement, il le sollicite. En réalité je n'avais point peur de ce chien et jamais je ne demandais au bon Dieu de me délivrer de ses poursuites, mais seulement la grâce de n'y pas succomber. Car je sentais ou plutôt je pressentais, sans le sentir, que je devais être très agréable au bon Dieu et lui sauver beaucoup d'âmes par mes souffrances. Il m'en donna plusieurs fois des preuves frappantes. Entre autres un jour que je souffrais beaucoup, notre mère reçut une lettre d'un supérieur de séminaire qui lui recommandait avec instance plusieurs vocations très compromises. Le démon, disait-il, fait des siennes. Il faut le désarmer. Je fris aussitôt à Jésus, mes épreuves intérieures, je pensais qu'étant à l'abri, il y avait moins de danger pour moi et que je pouvais bien souffrir à la place de ces âmes sans prenant sur moi leurs tentations. Aussitôt mes peines redoublèrent et devinrent intolérables, mais quelque temps après une lettre annonçait que les dangers étaient conjurés, que tout était rentré dans l'ordre. Ah, le désir de sauver les âmes était ma folie. En comparaison d'une seule âme arrachée à Satan, toutes mes peines me paraissaient comme un rien. C'était cet espoir qui me donnait du courage, car s'il avait fallu que je souffre de si cruelles, de si humiliantes, de si dangereuses peines pour acquérir une vertu, fût-ce même l'humilité, je n'en aurais pas eu la force. Mais des âmes, je voulais des âmes à tout prix, à n'importe quel prix. Dussé-je m'appauvrir en les achetant? Dussé-je je me blessais en les tirant du gouffre, que m'importaient les dommages personnels pourvu que je réussisse? Je n'avais, comme je l'ai dit, qu'une prière. Seigneur, délivre-moi du mal, ne permettez pas que je vous offense en commettant le plus petit péché, mais donnez-moi des âmes. Un jour que, non content de mes labeurs, je cherchais encore le moyen de sauver des âmes, il me vint à la pensée que mes désirs étaient sans doute téméraires. Je craignais même de prendre de trop grandes charges en acceptant tous les frères que notre mère me donnait. Cette préoccupation me devenait une réelle souffrance et je priais Thérèse de m'éclairer, lorsqu'elle m'expliqua sous des termes nouveaux la belle parole des cantiques. Attirée, moi nous courons, elle me fit souvenir en même temps d'un rêve que j'avais fait 2 ans auparavant, avant ma grâce du 5 mars. Je me trouvais seul au milieu d'un grand pont, tout neuf, à perte de vue. Un torrent débordait, se précipitait avec force sous cette arche colossale, et comme il grossissait toujours en bouillonnant, ses flots la remplirent complètement. Et moi j'étais là haletante car les eaux gagnaient toujours, un instant encore et elles allaient submerger le pont et l'emporter dans leurs cours impétueux. En m'éveillant je pensais aussitôt que c'était moi le grand pont que le torrent débordait et à l'amour divin. Je suppliai alors Jésus de faire déborder en moi son amour et je me disais, le pont n'y tiendra pas, qu'il soit vieux ou neuf le courant l'emportera, ainsi il ne faut pas que je perde courage si j'ai une bonne santé, car à défaut de maladie l'amour me donnera la mort. Je n'avais jamais envisagé cette parabole que sous ce point de vue lorsque dans l'anxiété dont je parle, il m'apparut sous un autre jour, le pont c'est moi me dis-je. Mais j'y suis seul et pourtant il y a beaucoup d'espace. C'est tout un peuple qui peut y prendre place, et plus il y aurait de monde plus il y en aurait de submergés par le torrent. Ô mon Jésus m'écriai-je, donnez-moi des âmes, la quantité de mes frères ne m'effraie plus. Qu'ils soient 100 ou 10 000 et avec toutes les âmes qu'ils vous gagneront, il y a place pour tous. Encore. Au ce mot le premier qu'il s'échappa de mes lèvres enfantines je le dis maintenant et le redirai pendant toute l'éternité. Encore des âmes, encore de l'amour, encore, j'ai soif. Non, je ne crains plus rien, pas même de ne pouvoir nourrir tant d'enfants, car mon époux est tout puissant, une seule de mes pauvres petites actions, bénie par lui. Suffit pour rassasier toute cette foule et de cet aliment mystérieux il reste encore des morceaux comme autrefois au miracle des pains. Et si hélas je n'ai pas fait cette petite action, si je n'ai rien gagné pour mes enfants, Jésus verra ma douleur, ma pauvreté et au lieu de seulement bénir un pain qu'on lui présente il en créera, et celui-ci sera encore bien meilleur et bien plus fortifiant que l'autre. Jésus ne vous attendez pas à déconcerter votre pauvre petite épouse, elle sait à qui elle a donné sa foi et son cœur en unissant sa vie à la vôtre. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.